Nous saluons chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saluons les frères et les sœurs qui sont connectés. Levons-nous pour la lecture de la parole. Dans 1 Corinthiens au chapitre 14. Mu wa Korinto wa kwanza sura yake ya 14 1 Corinthiens au chapitre 14 Wa Korinto wa kwanza sura yake ya 14 dans son verset 32 Mu sura ya 32 et le verset 33 Na mu sura ya 33 Seigneur merci Bwana aksanti. Tu nous as promis Uritulaka. Que là où s'assemblent deux personnes ou trois en ton nom, toi le Seigneur, tu seras au milieu d'eux. Et quand toi tu viens parmi ton peuple, c'est pour ouvrir son intelligence afin qu'il comprenne tes écritures. C'est pour déverser toutes sortes de bénédictions afin que ton peuple soit sauvé et qu'il se sente heureux. Seigneur, viens et accomplis ta volonté en nous. Na utimize mapenzi yako ndani yetu. Ne laisse pas nos pensées se dévoiler devant ton peuple, mais que ta parole soit apportée pour notre salut. Lakini neno lako ipate kuhubiriwa juu ya wokovu yetu. Bénis chacun de nous d'une manière particulière. Bariki kila mmoja wetu kwa namna ya upekee. Et conduis-nous, Seigneur. Na tuongoze Bwana. Comme ton serviteur l'a dit. Mpaka vile mtumishi wako alisema. Lorsque nous voyons les signes. Wakati tunaona maalama. Et les choses qui se passent dans le monde. Na mambo yanafanyika mudunia. Comprenons que ton retour est imminent. Tunaelewa sema kurudi kwako kuna karibia. Ne laisse aucun de nous distraire. Réveille notre conscience. Que nous soyons attachés à ta parole. Jusqu'au jour où tu viendras nous chercher. Souviens-toi des frères et sœurs qui sont connectés. Bénis la parole que nous allons lire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, wa Korinto wa kwanza, sura ke, verset 32. Les esprits des prophètes maro ya manabi sont soumis aux prophètes. Iko enye kujitishi kubanabi. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Sababu Mungu ana Mungu wa fujo. Mais de paix. Lakini ni Mungu wa salama. Comme dans toutes les églises de saints. Paka vile iko makanisa yote ya batakatifu. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana ongeze baraka kusomea neno lake. Dans toutes les églises de saints. Des hommes et des femmes qui ont été sanctifiés par le sang de Christ. Il y a la paix. Quand un homme est sauvé, wakati mutu anaokolewa, après avoir expérimenté la justification, kisha ye kuonja kuhesabia haki, après avoir expérimenté la nouvelle naissance, kisha ye kuonja kuzalikwa mara ya pili, son cœur est en repos. Moyo wake na roho yake inakuwa mpumziko. la paix dans ce qui naît dans son cœur. Salama ile nazali kwa ndani ya moyo wake. N'est pas une simple imagination. Aina tu mafikiri mwa fulani. Mais c'est une vie. Lakini ni uzima ni maisha. C'est une réalité. Ni mambo ya kweli. Il n'est plus un homme agité. Ana tena mtu wa kuhangaika hangaika. Il ne se tracasse plus pour les choses du monde. Ashangaika yake tena bitu vya dunia. Parce que son cœur est en paix. Sababu moyo wake iko ndani ya pumziko. Et quand un homme expérimente la paix de Christ, na wakati mtu anaonja salama ya Kristo, il aime la paix. Anapendaka salama. Et il aime aussi donner la paix aux autres. Na anapendaka tena kupatia salama batu bengine. Il aime procurer la paix aux autres. Anapendaka kuleta salama kubatu bengine. C'est pourquoi vous voyez Jésus dans Matthieu au chapitre 5. Joko mwana mnaona Yesu Matayo sura ya 5. Dans son verset 9, il dit: Mustara ya 9 Yesu anasema: Heureux ceux qui procurent la paix. Eri balebeko na leta salama. Car ils seront appelés fils de Dieu. Sababu batabaita batoto bana ba Mungu. L'église du Seigneur est formée des fils de Dieu. Kanisa ya Bwana iko nyenye kutungwa na bana ba Mungu. Qui ont reçu la paix de Dieu dans leur cœur. Wale walipokea salama ya Mungu ndani ya mioyo yabo. Et ils savent dans les fins fonds de leurs âmes. Na bana jua mule mupana manafsi yabo. Que Dieu est un Dieu de paix. Ya kwamba Mungu ni Mungu wa salama. Il ne peut y exister de paix s'il n'y a pas d'ordre. Akuweza kuwa salama kama kuna usawa. L'ordre engendre la paix. Usawa ndio kunazala salama. Ils marchent les deux. Biote biuri kunatembea. Les deux marchent comme mari et femme. Biote biuri kunatembea sa bibi na bwana. Quand il y a l'ordre, wakati kuko usawa, il y a aussi la paix. Kuko tena pia na salama. Et quand il y a la paix, na wakati kuko salama, il y a aussi d'ordre. Kuko tena pia salama. Voyez. Maintenant, usawa. Quand il y a la paix, sasa wakati kuko salama, et il y a l'ordre, na kuna kwa usawa, les esprits se soumettent les uns aux autres. Maro inaanza kujitishi moya kwa ingine. Parce que dans le désordre, mufujo, il y a de la confusion, muko mufuruko, il y a de la révolte. Muko kutomboka, c'est comme un pays en désordre ou un pays qui est en guerre au ile mvita, où il y a plusieurs rebelles mule muko ba jambazi ba mingi, qui occupent chacun une portion de terre kila mtu eko na kipande ya bulongo, et dans chaque portion de terre kipande ya bulongo, chaque rebelle est roi kila mtombozi eko mfalme, il fait ce qu'il veut eko nafanya kila anapenda. Mais dans notre pays, sasa mwinchi yetu, dans notre royaume ufalme yetu, nous sommes les enfants de la paix, tuko batoto ya salama, parce que nous voulons procurer aux autres la paix. Sababu tunapenda kuletea bengine salama. Cette paix-là n'est pas la nôtre. Ile salama ile yana yetu. C'est la paix que nous avons reçue de Christ. Ni salama ile tulipokea kwa Kristo. C'est vrai. Ni bia kweli. Si quelqu'un n'aime pas la paix, kama mtu ashipende salama, il n'est pas encore sauvé. Aya ukolewa bado. Si vous voyez quelqu'un, kama mnaona mtu dans sa propre vie, il est désordonné. Il n'est pas discipliné. Vous allez dans ce qu'il fait, il y a du désordre. Vous allez dans sa propre maison, il y a du désordre. C'est-à-dire dans son cœur, il n'y a pas de paix. C'est le désordre exprime ce qu'il y a dans son cœur. C'est un homme agité, c'est une femme agitée. Il n'a pas Dieu dans son cœur. Si Dieu était dans son cœur, il serait ordonné en toutes choses. Il serait en paix avec lui-même. Il serait en paix avec ses frères et ses sœurs. Il serait en paix avec le Seigneur. Croyez-vous que nous sommes l'église de Dieu? Alors soyez une église de paix. Et soyez une église ordonnée. Que Dieu vous bénisse. Prenons la 59e question. Frère, est-ce qu'un ancien qui n'a pas deux ministères peut-il aller prêcher dans d'autres églises? À cette préoccupation, nous répondons et nous disons ceci. Non, mon frère. Non, ma sœur. Un ancien qui n'a pas d'appel au ministère doit rester dans son assemblée locale pour paître les brebis du Seigneur que le Seigneur a mis à sa charge. Un ancien qui n'a pas de ministère ne doit pas aller d'église en église pour apporter la parole. Ce n'est pas son travail. Il n'a pas reçu cette charge-là dans le corps. Il a une responsabilité locale. Et toutes ses activités se limitent dans une assemblée locale où il a été établi. Pour qu'un ancien aille d'une église à l'autre, en dehors de sa charge, il doit recevoir un appel au ministère. Si un ancien a un appel au ministère, il ne doit pas seulement rester dans son assemblée locale. Il doit aller d'une ville à une autre pour édifier les autres assemblées. Aujourd'hui, il y a un faux esprit dans nos assemblées du message. Nous remarquons que c'est par manque de la crainte de Dieu que beaucoup d'anciens, après qu'ils se soient habitués avec leurs propres assemblées locales, ils sont certainement appréciés dans les assemblées locales. Ils se sont habitués avec les masses des gens dans leur assemblée locale. Et ils prennent le courage d'aller de ville en ville pour apporter la parole. Cela est faux. Cela est contraire à la parole de Dieu. Regardez ce que nous voyons aujourd'hui. On a remarqué que beaucoup d'anciens, comme ils reçoivent beaucoup de prédicateurs dans les assemblées locales, ils se sont habitués avec d'autres prédicateurs. Ils se sont créés des amitiés. Alors ils se donnent les kilos d'aller prêcher de ville en ville. Cela est faux. Nous avons remarqué que ce n'est pas seulement les anciens. Il y a les interprètes. Il y a ceux qui ont le don de chanter. Il y a même des anciens diacres. Et ces hommes qui tournent autour des hommes de Dieu, qui vont dans les conventions des hommes de Dieu, qui aujourd'hui, tellement qu'ils se sont habitués aux prédicateurs, ils prennent beaucoup de notes dans les conventions, ils sont maintenant connus, et ils se donnent les kilos d'aller d'assemblée en assemblée pour prêcher la parole. Cela est faux. Cela n'est pas juste. Chacun doit respecter ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Si vous avez reçu une charge locale, restez dans le local. Si vous avez reçu une charge dans le corps, allez dans le corps. Si vous êtes un choriste, restez là. Si vous êtes un interprète, œuvrez comme interprète. Si vous êtes un diacre, travaillez comme un diacre. Si vous êtes un ancien, restez comme un ancien dans l'église. Fais correctement le travail que tu as reçu de la part du Seigneur. Vous serez bien payé par le Seigneur. Chaque chose que vous faites pour le Seigneur, vous serez payé pour cela. Utalipiwa juu ya ile unafanya. Hakuna kazi kiloko mbele ya Mungu. Il n'y a pas un petit travail devant Dieu. Ata ou le sœur qu'on a torsionné. Même la sœur là qui torsionne dans l'église. Ata pata maripo. Recevra sa récompense. Fata na kazi ambao alifanishia ya Mungu. Conformément au travail qu'elle a fait pour Dieu. Voyez bien mes frères. On a pendo munduku. Dans Romains au chapitre 12. Mu Roma sura 12. Dans son verset 3, mais j'ai besoin vraiment du verset 7 et 8. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Mais de revêtir des sentiments modeste, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Les anciens, les diacres, les interprètes, les chantres qui n'ont pas de ministère, mais qui commencent à aller de ville en ville pour prêcher, ils ont une haute opinion d'eux-mêmes. Quand ils voient les autres prêcher, ils disent, mais si c'est lui la prêche, moi aussi je peux prêcher. Voyez, si c'est lui là peut le faire. Moi aussi je peux le faire. Ça c'est avoir une autre opinion. Ah. kujuwajia seme nono hii kazi miko nafanya hii ainiendele ainiene nifanye kwa kazi ingine ya bubiri jio nipate ambao weshimi wa zaidi c'est l'orgueil ni kiburi tu c'est de l'orgueil ni kiburi interprète anacha pour interprète parce que anaona kusema pour interpréter hakuna kintu interpréter ce n'est rien kama anaanza kupita anaanza kuhubiri anaanza kumuita sasa mtumishi commence à l'appeler serviteur il est devenu plus important sasa anajiona sana kwa mafaka kabisa kubakiria tu diacre rester seulement diacre non c'est rien ça pana yana kitu vous voyez naona. Alors quand je deviendrai prédicateur, on va commencer à me respecter. Ni ma esprit ya bongo. Ce sont des faux esprits. On voit même des administrateurs, des trésoriers, tellement que quand on a caoué à mon office, ils ont mis longtemps dans les offices. Ils se sont habitués à l'église. Il est cage à vous trésorier, cage à vous administrateur, cage à vous école de dimanche, moniteur de l'école de dimanche. Moniteur de l'école de dimanche. Il n'a quoi tenir à boule. Ça ne convient maintenant, plus. Tout le monde veut être prédicateur. Ça beauté, mais la peine d'avoir quoi obéir. Comment que moniteur à l'école de dimanche, si vous êtes moniteur de l'école de dimanche, ou cage le mungu à l'écoute. Restez à l'œuvre que Dieu vous a donnée. Et Dieu va vous payer pour ça. Namu watakulipa juu ile. Akuna kazi ya bule dans le royaume. Il n'y a pas un petit travail, un travail vil dans le mufalme. Oui, bien mes frères. Unaona mapendo banduku. Même balé qu'on a fourni à mon école de dimanche. Et même ceux-là qui enseignent dans l'école de dimanche. Mon école de dimanche. Dans l'école de dimanche. A une fois à quoi entraîner ministère ya muntu. Ce n'est pas l'endroit où on entraîne le ministère de quelqu'un. Non frère. Apana pana banduku. Non, ma sœur. C'est faux pour un frère qui a l'envie de prêcher, mais sans appel au ministère, qui commence lui-même à se former dans l'école de dimanche. Non, cela est faux. C'est faux pour un diacre qui n'a pas de ministère, mais qui commence à se former dans la conduite de la prière. Il faut seulement l'empathie et congoza. On lui donne simplement la conduite. Voyez. Naona. Alors, anabeba angara bule fya maubiri. Maintenant, il prend la prédication. Cela est faux. Il est ni ya mubaya ni ya bongo. C'est avoir une autre opinion de soi-même. Ni kujizania sana kwa wewe mwenyewe. Il faut être humble. Nafadhali kwa mwenyenyekevu. Être humble signifie. Mwenyenyekevu ni kusema. Occuper la place que Dieu vous a donnée. Occuper la place là, la place que Dieu t'a donnée. Et faites-le avec joie. Na uifanye na furaha yako yote. Vous voyez bien mes frères. Mais de revêtir des sentiments modestes. La qui ne peut être justifiée na manière ya unyenyekevu. Ya unyenyekevu de simplicité. Ya unyenyekevu. Selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Fatana kimu kia imani kile Mungu alipatia. Ile imani uko nayo ya kuya diacre, ya kuya administrateur, trésorier, un ancien, choriste, mbaji, interprète, tafsiri. Bakia na ile imani. Reste avec cette foi. Bakia na ile muziko. Reste avec Mungu atakusaidia. Et Dieu va vous aider. Car, Sababu, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, si tous devenaient des prédicateurs, où seront les administrateurs, les trésoriers, voyez, naona. Uriamini il y a des années, 40 ans. Bantota na kujua kusema non, c'est un bon frère dans l'église. L'église vous fait confiance. Inakuweka budiacre. Après 40 ans de foi, je n'a pas ta maintenant ministère. C'est alors que vous recevez un ministère. Faut toi chez les mchezo. On cesse de ces blagues-là. Non, je sentais, Kotuku, je sentais pendant 40 ans. Chikia, kuna pita makumi ine. Pourquoi tu as vu les bintou, frère? C'est de telles choses. Nous avons plusieurs fonctions qui contribuent à l'avancement du royaume. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère, à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Vous voyez? Et que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse aussi avec joie. Les gens qui ont reçu la charge d'exhorter, ce sont des anciens et on y trouve aussi des diacres. Les gens qui ont reçu la responsabilité de présider les cultes, c'est le travail des anciens. Et les diacres aussi peuvent aider les anciens. C'est pourquoi vous voyez ici Paul dit, Ceux qui ont présidé, vous voyez, frère, les anciens sans ministère, qu'ils restent dans les assemblées locales. Ceux qui ont reçu l'un des cinq ministères, d'Ephésiens 4:11, ils sont placés dans les corps, là et maintenant, de ville en ville, à porter la parole. Frère Franck, dans le temps est proche, à la page 15, juste là en bas, il dit ceci. Un ancien doit rester dans une assemblée locale. Mais celui qui détient l'un des cinq ministères, même un pasteur, n'est pas lié à une église locale. Mais peut aller des lieux en lieu, parce que le corps entier doit pouvoir bénéficier de son ministère. Maintenant, un pasteur d'une assemblée locale, même s'il a un ministère, il ne doit pas faire une année dans les champs missionnaires. Il doit être ordonné, savoir quand est-ce qu'il doit servir l'assemblée locale, la charge qu'il a reçue, et quand est-ce qu'il doit aller sur les champs missionnaires pour édifier les autres. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est compris? Merci. Accent. Soixantième question. Adam et Ève étaient-ils des noirs ou des blancs? Car j'ai déjà entendu que les blancs, donc qu'un blanc et une blanche ne peuvent jamais donner naissance à un noir. Ou encore un noir et une noire ne peuvent jamais donner un blanc, un enfant blanc. L'homme blanc et l'homme noir viennent donc d'où? Le frère ou la sœur veut d'abord savoir si Adam et Ève étaient noirs ou blancs. Deuxièmement, il a déjà entendu quelqu'un qui disait qu'un noir avec une noire ne peuvent jamais donner des enfants blancs. Comme un blanc et une blanche ne peuvent jamais donner de noirs. Et alors, il continue. L'homme blanc et l'homme noir viennent alors d'où? Je réponds à cette question. Premièrement, je ne sais pas. Si Adam et Ève étaient noirs ou blancs. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui peut vous donner une réponse à cette question. Donc, je ne sais pas si Adam et Ève étaient noirs ou blancs. Pour ce que tu as entendu, un noir ne peuvent jamais donner un blanc. Un blanc et une blanche ne peuvent jamais donner un noir, un enfant noir. Ça, c'est la vérité. Un noir et une noire ne peuvent pas donner naissance à un blanc. Muzungu na muzungu. Les deux blancs ne peuvent pas donner naissance à un noir. Pourquoi? Dieu a nini, la Bible dit que chaque semence se reproduit selon son espèce. Si vous voyez un noir, banazala muzungu ni kusema mwanamke alitricher na muzungu. Si vous voyez les deux noirs à mettre au monde un blanc, c'est-à-dire la femme a triché avec un blanc. Kama muntu muzungu, si un homme blanc anazala muzungu na muzungu bazala muyeushi, si les deux blancs ni kusema ule mwanamke alitricher na muntu mweushi, c'est-à-dire la femme blanche là-bas a triché avec un homme noir. Maintenant les blancs, l'homme blanc et l'homme noir, banatoka wapi? D'où vient l'homme blanc et l'homme noir? Je réponds à cette question. Najibu kuyulizo. La couleur blanche et la couleur noire, rangi ya mwekundu na ya moshi, est liée au climat, aux conditions climatiques. Ikwenye kuambatana ku mambo ya climat. Cela est lié d'une manière géographique à l'endroit où les gens habitent, où l'homme habite. Nous sommes nous de noirs parce que nous habitons ici en Afrique où il y a un soleil piquant, brûlant. Et cette couleur noire nous est donnée pour nous protéger contre les rayons solaires et pour nous éviter des cancers. Dieu a fait cela comme ça. Voyez, la couleur noire résiste à la chaleur et la couleur blanche résiste au froid. Cette question a été posée une fois à Frère Branham. Écoutez comment Frère Branham répond à cette question. Dans question réponse numéro 3. Du 3, yeah. Question-réponse, s'il vous plaît. Du 3 janvier 1900, 1954 soir. Parce qu'il y en a deux. Dans son paragraphe 153. Marangi yetu ya bweushi na bweupe kona dépend na milieu ilamba tonekala. Dépend du milieu dans lequel nous vivons. Mais quand vous allez en Israël, il y a des noirs et des blancs. Kuko bana beusi na bazungu. Dans son paragraphe 153, est-ce qu'une, c'est la question 22, est-ce qu'à une époque donnée, nous étions tous des blancs ou des hommes de couleur, sur laquelle de ces deux races, la malédiction a-t-elle été placée? Frère Bana me répond. Bon, à ce que je sache, je ne saurais vous dire si Adam et Ève étaient des noirs, des bruns, des jaunes, ou des rouges. Je ne peux vous le dire. Personne d'autre ne le sait, si ce n'est Dieu seul, je pense. C'est lui qui était là en ce temps-là. Comme nous avions tous une seule langue, nous étions un seul peuple jusqu'à la tour de Babel. Une confusion, vous voyez. Et après leur langue, donc après le déluge, donc après Babel, et après Babel, leurs langues sont devenues différentes. Et à ce que l'on sache, ils étaient tous un seul peuple jusqu'à cette époque-là. C'est ce que nous pouvons lire dans la Genèse chapitre 10. Parce qu'ils étaient un seul peuple, ils avaient la même langue, vous voyez, mais après le déluge, arrivé au chapitre 10 de la Genèse, lorsqu'ils voulaient maintenant construire leur tour, c'est à ce moment-là que Dieu est venu les confondre. C'est à partir de là que maintenant les peuples se sont dirigés dans tous les sens sur la terre. Mais avant cette tour de Babel, nous étions tous un seul peuple. Et ils se sont séparés et se sont dispersés dans différentes parties du monde. Vous voyez? C'est ce que nous savons. Maintenant, après qu'ils se soient dispersés, c'est selon les régions où ils sont allés habiter, ils ont reçu des couleurs différentes. Vous voyez, mais ils étaient tous de la même couleur. Bon, si vous pensiez que le fait d'être devenu noir, c'est une malédiction. Et bien, de toute façon, les juifs aussi sont noirs. Savez-vous cela? Savez-vous que chez les juifs, il y a des noirs? Regardez dans Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 1. Nyimbo ya Salomoni sura ya kwanza. Cantique de Cantiques, chapitre 1, verset 5, verset 6. Je suis noire, mais je suis belle fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kedar, comme les pavillons de Salomon, ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Vous voyez. Non, non. Quand vous allez en Israël, vous le verrez. Quand Israël, allez chez les Juifs. Vous trouverez des Juifs. Aïna Seme, ni Ababa, nationalité. Non, non. Ce sont des véritables Juifs, des sans Juifs. C'est naturalisé. Vous trouverez les autres noirs, les autres un peu bruns, et des autres vraiment blancs. Vous voyez. C'est pourquoi nous savons seulement que Dieu n'a pas créé de race, de couleur. Non. Regardez ce que dit Acte des Apôtres. Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 17. Acte des Apôtres, chapitre 17. Matendo ya mitume sura ya 17. Acte des Apôtres, chapitre 17. Matendo ya mitume 17. Verset 26. Mustara makumi na sita. Il a fait que tous les hommes arifanya kwamba batu bote sortis d'un seul sang bale bale toka kudamu moya habitent sur toute la surface de la terre apate kuikala pa dunia pote pazima ayant déterminé mwenye kupanga la durée de temps mashiku ya wakati et les bornes de leur demeure na mamimpaka ya makao yabu chebote nutus Nabarangi mweushi na ya mweupe ya jaune ya rouge ya café même les cafés les bruns chez bote tuko na damu moya nous tous nous avons le même sang yako damu batawezi kuweka mzungu ça on peut le placer le un américain un français un chinois un japonais un indien japonais quoi india le sang d'un indien On peut le dispatcher partout dans le monde. Vous voyez. Non. Batawezi kuweba damu d'un pygmé. On peut prendre le sang d'un pygmé. Batawezi kupata damu yake. Chacun. Pas de différence. Qu'il soit semi-bantou. Qu'il soit nilotique. Akwe nilotique. Vous voyez. Non. Ça c'est la vérité. Njo inye ukweli. Nous savons seulement que nous venons d'un seul homme, d'un seul sang. Vous voyez. Mais pour ce qui est de couleur, cela dépend seulement des régions et des conditions climatiques dans lesquels les gens habitent. Mais en dehors de cela, Dieu a fait de nous un seul peuple. Batu taifa tumoya batu ba les enfants d'Adam batoto ya Adam maintenant remarquez ça ça mwangali si vous prenez Genèse chapitre 2 kama unabeba kitabu ya mwanzo sura yake ya pili dans son verset 7 à 14 mustara ya 7 paka 14 je voulais seulement vous faire voir quelque chose napenda tukumionyesha kitu kimoya Quand vous prenez les limites du jardin d'Eden, le champ dans lequel Adam et Ève ont habité, vous remarquerez géographiquement que le jardin d'Eden se situe du côté du Irak. Ça prend une partie d'Israël. Ça prend une partie de l'Éthiopie. Une partie de l'Égypte. Vous voyez? Vous prenez côté Irak. Vous prenez côté Israël. Vous prenez côté Éthiopie. Vous prenez côté Égypte. Ni le quartier ni le quoi qu'on a formé. C'est cette partie qui est formée. C'est ce que nous lisons ici. Je retourne à son map. Vous voyez. Regardez le verset 13. Angara musara 13. Couche dont on parle. Couche le bego na simea. C'est le nom d'Éthiopie. C'est l'ancien nom d'Éthiopie. Njonjina ya zamani ya Ethiopia ya leo. Idkel, le fleuve dont on parle. Idkel, il muto be on a semé apa. Ça c'est le tigre, c'est le tigre. Jo mutoni ya tigre ya leo. Le fleuve Euphrate n'a pas changé de nom. Euphrate yo ibadilisha jina kuna leo kupaka vile. Et quand vous voyez l'Égypte, vous voyez l'Éthiopie, on a Éthiopia, en Éthiopie, il y a beaucoup de Noirs, Éthiopia, bien qu'ils ont une tendance un peu claire, de peau claire. En Égypte, il y a des Noirs, mais bien qu'ils ont la peau un peu blanche. Vous voyez, en Israël, il y a des Blancs, il y a des gens qui ont des peaux blanches. Il y a des gens aussi qui ont des peaux rouges, des peaux noires. Donc, en bref, Sasa, la couleur de la peau est liée aux conditions climatiques. Mais Dieu n'a jamais créé les deux couleurs. Lakini Mungu ya mbaka marangi mbili. Merci. Est-ce que c'est compris? Accenté, tu m'enlèves. D'accord. Dio. 61e question. Cher serviteur, veuillez expliquer la manière d'une femme chrétienne d'agir. Ou facilité qu'on a mona ya mwanamke mukristu vila na pasha kutenda. Comment peut-elle recevoir son mari dans sa maison, à la porte, dans la chambre? Nous avons confiance au Seigneur que, car les réponses qui viendront de lui par votre bouche vont apaiser beaucoup de difficultés que nous avons dans nos foyers. Que Dieu vous bénisse richement. Apparemment, c'est une question qui vient d'un frère. Je ne sais pas si aussi ça vient d'une sœur. Qui veut savoir comment une femme chrétienne peut recevoir son mari qui vient du service ou qui vient d'un voyage chez lui à la maison. Frère Branham nous a enseigné ceci. Je réponds à cette préoccupation. Pas dans cette question, il y a beaucoup de pièges. La seconde venue du Seigneur. Alla prêcher le 17 avril 1957. Paragraphe 78. Paragraphe 80-81. Eh bien, quand Dieu fit donc une épouse, elle était une compagne. C'est-à-dire, une femme qui partage les mêmes sorts avec son mari. C'est pourquoi la question que vous m'avez posée de savoir, si un frère est en difficulté, peut-il aller laisser sa femme chez la belle famille ou ainsi de suite? Nous avons dit non. Parce que la femme est une compagne, c'est-à-dire, pas, c'est-à-dire aide, c'est autre chose. C'est celui qui doit partager les mêmes sorts, les mêmes difficultés, la même joie, les mêmes conditions avec l'homme. L'église avec moi. C'était pour lui quelque chose à aimer. Quand un homme n'aime pas sa femme, il est faux dans son cœur. L'homme doit aimer sa femme parce qu'elle est une partie de lui-même. Même si ta femme a des défauts, tu dois l'aimer. C'est-à-dire ton corps est handicapé. Ces défauts-là que tu vois dans ta femme, c'est un handicap. Maintenant, quand tu as un pied handicapé, un bras handicapé, voyez, vous avez un œil handicapé, vous n'allez pas l'arracher pour jeter cela, mais vous cherchez toujours à l'entretenir. Parce qu'elle est une partie de vous. C'est pourquoi le divorce, c'est de la méchanceté à outrance. Vous voyez, comme la femme est une partie de toi-même, vous devez l'aimer. Et tu l'as épousée pour l'aimer. Malgré ses défauts. Vous voyez. Le mariage terrestre est le type du mariage céleste. Nous aussi, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Malgré nos imperfections, nos multiples imperfections, Jésus-Christ ne nous a jamais rejetés. Si vous comprenez ça, votre famille sera en paix et vous serez en paix entre vous-mêmes. Si Jésus se fâche, une femme parfaite. Je veux une femme parfaite. Qui parmi nous, en commençant par moi-même, nous nous tiendrons debout devant Dieu. Nous tous nous serons rejetés. Nous sommes souillés. Nous avons beaucoup de défauts. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes très souillés. Et nous avons beaucoup de imperfections. Une personne qui est tombée dans le péché ne voit jamais son erreur, sa faute. Si nous comprenons ça, nous allons nous aimer les uns les autres. Nous allons nous supporter les uns les autres. Et Christ nous aimera aussi. Imaginez-vous, je réponds à ça, à la question du frère ou de la sœur. Comment accueillir son mari? Imaginez-vous que vous rentrez chez vous la nuit, fatigué, là, épuisé, Que vous soyez un fermier, un mécanicien, un prédicateur, peu importe votre métier, en rentrant, lorsque vous entrez dans votre petite maison, vous brûlez ardemment de pouvoir atteindre votre domicile. Tu es pressé. Écoutez, sœur, j'ai fait un petit point ici. Écoutez, mes sœurs. Il y a des femmes qui sont très méchantes. Kabwana kuna rudia mkaji au msafari na mchoko au mashamba du travail ou du champ ou du voyage olie au mpokele plutôt qu'elle puisse le recevoir munama ambao ya kutuliza roho yake la manière de tranquilliser son cœur mais babibi babaya mais les méchantes beko na pokele ba bwana yabo reçoivent leur mari na makelele avec des bruits avec des collègues na ma question avec beaucoup de questions maulizo lizo Nama besoin. Et avec même des besoins, maïtage. Besoin. Nama. Moi non, ma yaikala. Le mari ne sait pas, mais chérie. Bunga bunam. Moupendo, il n'y a pas de farine. Montre mon yaikala, ça pas kitch. Le mari n'est même pas encore assis sur une chaise. Chérie, apa ou baki apa. Moupendo. C'est qui a qui le mouton de apa. Non, non. Écoute ce que ton fils. Ni bouele ouele, bon, mon amouke. Ça, c'est la sottise de la femme. Kama bwana yuko natoka si le mari mukaji na muchoko du travail hapana kumposer ma problème hapana kumuliza uliza ma question bizarre ne lui posez pas des questions bizarres mafuja mingi natoka kutuma bintu twa ile namna hii beaucoup de troubles viennent de telle chose comme se dit que cette femme ici est insensée non mon ami on a chia kuria niko na muchoko elle commence des problèmes je ne peux encore manger je suis fatigué ananza tu maman ma rapport les rapports On ne donne pas de rapport à un homme qui vient du travail fatigué. Oh non, Minas, tu es ma ville. Tu risques que ça Parce que je suis un homme. Les rapports, on les donne quand quelqu'un a un esprit posé. C'est comme ça que vous pouvez donner un rapport. Le mari vous Parce que tu n'es pas sage. Sababu alors naikima. Kama bwana yuko natoka mukaji na mchoko. Hapana ma rapport. Hata ya batoto. O balifika voisin. Alifana hivi. Bila pana. Ndugu yako alifana hivi. Bila pana. No, no, bila no. Munyuma muna mboka. Mgeni alikuya hapa. Tunakuria. Sijui hapa unafika utakura nini. Mule ni mwele wele. Je ne sais pas ce que vous allez manger. Ça c'est être insensé. Quand l'homme se presse pour arriver à la maison, c'est pour trouver un repos. Vous voyez, Frère Branham continue. Vous ouvrez la porte, vous trouvez une douce petite femme qui vous accueillit. Elle est toute jolie et nette. Elle s'approche de vous. Elle vous donne un baiser sur la joue. Elle dit, Papa, comme tu es fatigué. Voyez. Elle vous fait asseoir sur une chaise. Et elle s'assied elle-même sur vos genoux. Elle passe ses bras autour de vous. Et elle vous caresse. Alors, vous avez l'impression que vous n'êtes plus fatigué du tout. Quelque chose vous réconforte. Vous voyez. Vous voyez, la femme, Bibi, c'est quelque chose que Dieu vous a donné dans ce but-là. C'est une partie de vous-même. Si donc elle est une véritable épouse, Dieu a donné à l'homme une femme. C'est pour le réconforter. Quand l'homme rentre à la maison, la femme doit être caractérisée par une douceur dans ses paroles, dans ses gestes, dans tout son comportement. Elle doit avoir un comportement gentil pour partir aux difficultés de son mari. Maintenant, il faut dire seulement merci, Seri. Et il faut le congratuler. On a dit accenti bwana. Bon retour, chéri. Kurudi kuzuri. Wafuako, chéri. Ça t'écoute quoi? Bienvenue, mpendwa. Inakulomba nini? Bwana nakuya. Le mari revient. Kama ni minji kwako na pepula. Si tu étais en train de manger le maïs. Tu continues à faire le travail que tu fais. Anatoza bilato. Anadia changer. Anekala. Il s'assoit. Bibi a changé. Yende avance kuliza batoto. C'est lui maintenant qui commence à poser la question. Maman yende quoi? Où est votre maman? La femme est en train de tournoyer là-bas. Oh, je suis occupé. J'ai préparé pour elle et pour lui. Ça, c'est être insensé. Lorsque le mari rentre, la première des choses, même arrêtez d'abord le travail. Allez le recevoir. Allez calmer son cœur. Promettez-le. Je reviens. Vous voyez, frère, il y a beaucoup de choses qu'il faut dire ici. Lorsque vous voyez que le mari va rentrer, écoutez, sœur, il faut couya propre. Il faut, on a quoi, sa fille. La chose que parle le frère Branham, la femme, une jolie femme, une jolie. Vous voyez, non. Lorsque le mari rentre, que le mari va rentrer. Oui, j'étengeneze pour être propre. Arrangez-vous pour être au pote quoi sa fille. Quoi qu'on a tourné ma cage à potopoto, essayez d'être propre. Essayez d'être présentable. Même ta beauté là attire ton mari. Ça fait plaisir à ton mari. Et non, pas tu reviens recevoir ton mari très sale. Non, ça c'est faux ça. Ah, il y a pas na na mzuri. Utakuwa kumbusu bunga kuna mwambakiria kumachafu. Unakuwa kumwambrasse bunga kuna mwambakiria ku mamongo yote. Partout. Uko na nuka bashimoko unakuwa kumwambrasse. Vous sentez la fumée, vous venez l'embrasser? Nambu yenye ya kushita mwita yinta mwisha na kumshika. Même l'envie qu'il a avec toi va se terminer? Kama bwana yuko narudia lorsque le mari rentre, msafara, il était en voyage, il était au service. Ye atake unakuwa na mangoya buchafu akukute we propre huko na ngala. Qui te retrouve toi la femme étant propre, tu es en train de briller. Aina sema kwanza kutumika uranza kutumika. Bado unasema hii sasa inaanza kuya. Tu t'arranges pour être propre. Una jitengeneza ni. Qu'est-ce que tu sois quand même présentable. Je peux te kushimama mbele yake mwenye kuniana mzuri. Jona kuya na mablouse ya kumambikwembe biko na nuka nuka. Venez avec des blouses de quoi la batoto tout ça. Qui sent les urines des enfants? Non, ça tu n'es pas une bonne femme. Hapana, ile hauna mwanamke wa mzuri. Même votre présentation, votre comment je peux dire ça? La manière de vous présenter doit être honorable. Attends, namna yako kwenda kushimama kumbele ya bwana yako, inapasha kuwa ya mzuri ya heshima. Faut être propre. Ina fadhali kuya safi. Non, ma question yiko nauliza hii, ni ma question, ma problème, mina katala. J'ai caché d'autres choses. Vous voyez, ces questions, ce sont des questions problématiques. Mina ficha bintu bingine bingine. J'ai dit clairement aux sœurs. Nambia tu waziwazi kubadada. Soyez propre. Muwe tu bini kwa safi. Lorsque votre mari rentre de service. Wakati bwana yako anaanza kurudia kutoka kukazi. Soyez douce. Ukwe mpole murembo. Lorsque il rentre. Wakati anarudia. Voyez. Naona. Regardez dans Question-réponse sur les Hébreux, troisième partie. Au paragraphe 809. Écoutez. Pour vous, mes bien-aimés sœurs. Ce n'est pas moi, je vous lis, frère Branham. Écoutez. Pour vous, mes bien-aimés sœurs. Je veux que vous ayez une meilleure apparence. Voilà le terme que j'ai cherché. Une meilleure apparence. Et que vous soyez bien joli. C'est ainsi que vous devriez être. Vous devrez être aussi douce et fraîche que possible. Ou que sais-je encore? Quand votre mari revient, juste comme quand il était votre chéri. Et vous devrez l'accueillir à la porte en lui donnant un doux baiser, comme le jour où vous l'aviez embrassé à l'hôtel pour devenir votre mari. Apana mweba serbe ni kuya na haya kimugini. Non pas pour les sœurs qui avaient une honte. Kuambrase bibi, kuambrase bwana, kumbeze bwana. Tunesha kukomea hivile ni biya batoto. On a déjà grandi, ça c'est pour les enfants. Ah, ushikita haya batoto. Vous n'avez pas honte des enfants. Obumbafu, tu ne comprends. Vous êtes simplement insensé na welewe. Mapendo a izekake. L'amour ne vieillit jamais. Même si les enfants, est-ce que ce sont les enfants qui te font manquer d'embrasser ton mari? Au contraire, c'est une éducation que vous donnez à vos filles et à vos garçons. Ni ma dibisho na patia batoto yako. Kama bwana kuna toka mukaji. Lorsque le mari vient du service. Ukuye na apparence ya mzuri. Ayez une bonne mine. Voilà mzuri. Soyez bien habillé. Kama ni kama uko na possibilité. Si vous avez la possibilité. Ya wewe kujiweka manukato. Ujiweke manukato. Je vous parfumez-vous. Pale utamubeba. Lorsque vous allez le tenir. Kwa mikono mikulu yako. Unaanza kumkarese. Unaanza kumbeze. Una musumuda tuma parole toi bien. Una mufuisha. Voilà comment. Il faut se comporter. Vous lui souhaitez la bienvenue, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Je veux un fazari kujitwala. Voyez, frère. Munaona banduku. Je veux que vous ayez une meilleure apparence. Na penda mpate kuya na konokana kwa kuzuri. Et que vous soyez bien joli. Na mpate kuya barembo. Quand vous accueillez votre mari à la porte, wakati soyez joli. Unampokea bwana yako kumlango, pate kwa mrembo. Oh, kajiri nipita, kajiri nipita. Oh, j'étais dépassé par le travail. Le mari, c'est un travail. C'est pour cela même qu'on vous a épousé. Vous savez que le mari est un travail. Un travail. Tu n'es pas intelligente, tu n'es pas sage. Tu es une femme insensée, tu ne comprends absolument rien. Lorsque le mari rentre, c'est le temps de s'occuper de lui. Toutes ces choses, mais voilà la priorité. Maintenant, la priorité, c'est ton mari. As-tu déjà travaillé dans un bureau? Est-ce qu'il a cultivé un hectare? Est-ce que toi tu as réussi à cultiver? Moi je l'ai mis à Kuzarao, Mwenja, Kwanenda, Kutesu, Anapanda, Bilima, Nashuka. Je vais mépriser ton prochain. Je vais mépriser ton prochain. Fait beaucoup de choses. C'est son travail. Si Mungu alisema tous les désirs. Dieu a dit que mania yote mania. Quand un démon interprète mal les écritures. Wakati démon na mwana tafsiri mbaya. C'est plus la vérité. Aina tena ukweli ile. Donc pour que les abonnés comme vous, j'étais d'autres choses. J'ai dit seulement, comment tu as votre mari propre. Soyez simplement propre, bien lavé. Recevez-le gentiment. Embrassez-le, caressez-le. S'il faut le prendre sur le ventre, prenez-le. S'il faut le chanter, le nom là qu'il aime beaucoup, vous pouvez voilà, vanter cela. Il n'y a pas un problème. Akuna mambo. Nous avons vu qu'on a semé le yabou. Est-ce que ce que j'ai dit l'ancien c'est faux? Mapenda izekake. L'amour ne vieillit jamais. Si toi-même tu fais vieillir l'amour, c'est-à-dire que ton mariage, bientôt là, ça va se rompre. Mariage est tout comme toujours, Babiane. Dans le mariage, sont toujours des jeunes. Une citation de Fobanamekonasema. D'ailleurs, lorsque les gens grandissent beaucoup, il est matabia yabuyana ne baluriaka. La nature de la jeunesse revient. Ils retournent à la jeunesse. Ils aiment maintenant blaguer. Ils se rappellent les anciens temps. On a kumbuka le mawakati ya zamani. Et ils veulent revivre ce moment-là. Sababu il voit que leur jour tend à la fin. Moi, au lieu de jouir de bonheur, pali pa kufraiwa. Mais moi, je suis en train de me chamboulana. Vous êtes toujours en trouble. Vous répliquez, vous êtes des insensés. Lorsque vous êtes déjà marié, faites de votre mariage heureux. Faites amener la paix dans votre maison. Dans votre foyer. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Ninana nashiki. Qui a compris? Ça va. Zuri. Donc. Je sais que vous allez maintenant vous recevoir correctement. Inclinons nos têtes. Tu es amiche, tu es. Seigneur notre Dieu. Ta parole reste la vérité. Engendre dans chaque cœur une véritable affection entre conjoints. Que la paix règne dans leur cœur. Que la paix règne dans leur couple. Que la paix règne dans cette église. Dieu Tout-Puissant, fais en sorte que les hommes soient des vrais maris qui aiment leur femme malgré leur faiblesse, malgré leurs erreurs. Mais qui les supporte. Seigneur Jésus. Parce que l'amour ne fait pas du mal au prochain. Mets ses dispositions dans les frères. Et mets de bonnes dispositions dans les sœurs. Qu'elles aient toujours un esprit doux. Un esprit gentil. Qu'elles sachent comment recevoir leur mari. Avec un esprit de douceur. Qu'elles aient toujours des apparences jolies. Lorsque leur mari rentre de service. Merci Père. Accenti Baba. Bénis ce peuple. Bariki ya babatu. Au nom de Jésus Christ. Jina bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.